DJ B Master Bless F2X dans les studios. Ça va lâcher du lourd. Comedy, c'est les refrains. C'est hip hop français. C'est Kerry sans thème, sans chrysanthème. De la méduse, moi je suis le kraken. Making funky tracks with my man Michael Jackson. A smooth criminal, half the man is Mike, so relax. I can't take it cause I'm lonely. Tu veux que je te lâche un son lourd, un son brut, un son truand. Un son à la Tony Truand. Écoute ça, c'est JB Master Blaze. Le mec comme une clap à la tectonique. Le mec électrique. Le mec qui se la raconte avec son javelot. L'ancien louveteau. Je viens mettre la barre très haut. Écoute ça, je me prie mon Mikey. J'assassine au mètre carré tous les MC. Je représente Paris, la ville des bandits. MJ sera toujours dans mon cœur. Moi l'ancien enfant de cœur. Je m'inspire des altos et des gospel. Et je mets des râteaux au fil et plus belles. Mingle, mingle, jingle in the jungle. Bum rush the door, three and four in a bundle. I can't take it cause I'm lonely. C'est le cat killer chaud dans la place. Turn me out. Double double dédicace. Work my body. You really taught me how to go down south. M'appelle pas Astérix, Obélix, Panoramix. C'est F2X, le Celtic. F2X, le Celtic. Fume de la peau des Vikings. Des Vikings. Moi et le frelon, on est des bons. Te demande pas pourquoi c'est juste un don. Je fais du rap qui t'allonge à la Tyson. Si tu coules, moi je te harponne. Ouvre-nous ta porte, laisse-nous passer. Moi le frelot, on est pressé. I can't take it cause I'm lonely.